une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Soprano. Bonsoir et bienvenue tout le monde, comment ça va ici au 118? On est en public toute la semaine et ça fait plaisir. C'est pour accueillir Soprano. Son album sort lundi dans les bacs. On le découvre tous les soirs. Le Cosmopolitanie. Et chaque soir, d'ailleurs, on fait un petit concours avec les gens qui étaient là hier, avant-hier. On fait le jeu du thermomètre. Donc, on va voir si vous êtes très chaud ce soir. Est-ce que vous êtes très chaud ou moyennement chaud ou... Oh. Mais non. Là, c'est plié d'avance. Ceux de lundi, mardi, ils étaient mille fois meilleurs que vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être quelque chose qui d'un seul coup va tout changer. Et ce quelque chose, c'est le morceau avec justement lequel on prend la température chaque soir. C'est pour accueillir Soprano, c'est lui d'ailleurs qui vous accueille ici dans cet endroit avec son morceau Cosmo. Faites du bruit pour Monsieur Soprano qui est là avec nous. C'est parti pour Planète Rap. Est-ce que ce soir c'est beaucoup plus chaud qu'hier? Est-ce que c'est plus chaud qu'avant-hier? Alors je veux vraiment entendre un gros bordel. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde les prend en l'air. Tout le monde les prend en l'air. Tout le monde les prend en l'air. On y va, tout le monde. Mets du son, mets du son. Tout le monde, tout le monde. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrier? Oui, qui savent comment faire la fête et qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres, les millionnaires, les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette? Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences, les quartiers UP, les dessins, c'est que les OTT? Où sont les blacks, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges, les gris? Loin des amalgames politiques, perdu en cosmopolitanie. Oui, montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Ah, montre-moi comme tu es. Ce soir, pas de tenue exigée. En vous, on y va, tout le monde. Là, tout le monde fait. Ce soir, c'est rap, c'est funk, R&B ou bien électro. Variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. Ce soir c'est beau, c'est fou, c'est le Messi et Ronaldo. LeBron James, c'est Otomoto, c'est Sangoku et les Naruto. Ce soir c'est Kala, Ponte, ce soir c'est Marianne, le teaser. Les frères, les chambres, ils veulent le teaser. Les brunes, les blues, les cheveux, le teaser. Ce soir c'est love, un peace, immigrants à la piscine. Moi, des amalgames politiques, ce soir plus personne ne nous divise. Montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-moi comme tu es. Ce soir, pas de tenue exigée. En vous, on y va. Tout le monde a fait. On y va. Fais-moi rêver. Les bras levés. Unis, on va très haut. Fais-moi rêver. Tous mélangés. Unis on est trois. Tout le monde les bras levés, tout le monde. Fais-moi rêver, les bras levés. Unis on va très haut. Fais-moi rêver, les bras levés. Ça va bien ou quoi? Yeah! Oh! Est-ce que ce côté est chaud ce soir? Est-ce que ce côté est chaud ce soir? Oh. Deuxième chance, est-ce que ce côté est chaud ce soir? Yes! Oh, po, po, po, po, po, po, po. Soprano, notre invité toute la semaine. Il est là dans Planète Rap avec Zach qu'on peut saluer, avec DJ Mage aussi qu'on peut applaudir. Ils sont... On n'applaudit pas, alors qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Sopra, comment tu les trouves ce soir? Parce qu'on prend le thermomètre chaque soir dans l'émission sur le morceau Cosmo. Franchement, ce soir, ils sont chaud, chaud, chaud. Je rajoute encore chaud, un autre bouillant. Ah ouais. Toi, tu trouves? Ah ouais. Moi, j'ai trouvé, je te dis. Non, en plus, je vois la Belgique qui est arrivée. Oui. Là. La Belgique a débarqué. Ah ouais, ça ici fait dans le studio. Et puis tous les messages aussi, tous les gens qui nous envoient des messages de la France entière avec le hashtag Soprano sur Skyrock. On est en direct du 118 toute la semaine. C'est toi qui as eu l'idée justement de faire ce live tous les soirs de la semaine. C'est ça. Et chaque soir, on va essayer de se mettre dans une ambiance. Chaque fois, on va se faire un petit live. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a un peu des surprises. Mais avant d'amener la surprise, je voulais voir un truc. J'ai l'impression, moi, que ce côté-là, il est pas là. Ce côté-là, il est pas là. Ah, il est là quand même, ce côté-là. Hein. Alors, si les deux côtés vous êtes là, s'il vous plaît, faites un maximum de bordel pour Miss Kaina Samé. Kaina, bah, qui est présente d'ailleurs sur ton album Cosmopolitanier. Voilà. L'album avec un morceau, on va en parler évidemment. Ouais, Kaina qui vient de sortir aussi son projet qui est dans les bacs. Elle a sorti cette semaine, ouais. T'as bossé dessus un peu, Ouais, en fait, on a réalisé plusieurs titres avec elle et tout ça. On a travaillé beaucoup de morceaux, même pour les prochains. Elle part en tournée. Et alors, faites du bruit pour Kaina! Mais oui, elle voulait pas venir, vous étiez trop calme pour l'instant. Ouais, allez, ça va, Kaina? Voilà! Voilà! Là, je peux m'asseoir et bonsoir tout le monde! Donc tu disais Sopra? Ben ça fait longtemps, on se connaît, ça fait 15 ans. Tu vois, donc, son premier album j'y étais. On est toujours là à travailler. Sur son album qui est sorti lundi, ben on a travaillé sur des morceaux, sur plusieurs morceaux. Moi je trouve que elle fait partie des voix uniques des voix qui te donnent la chair de poule. Voilà. Toi, je sais que tu es attaché justement aux voix. Ah ouais, moi n'importe quel style de musique, je m'en fous, mais tant que tu me mets un peu les frissons, c'est ensuite, par exemple, j'écoute beaucoup London Grammar, je sais pas si tu connais, ça déchire. Et elle arrive à un côté Mary J. Blige, un côté. Elle est folle avec sa voix, je sais pas comment elle fait. Donc ça. Tu es ça folle avec ta voix, Kaina. Ah ben ça fait plaisir. Bon, est-ce que tu vas rendre fou les gens, les filles, les garçons qui sont là ce soir? J'espère. Et tous ceux qui nous écoutent un peu partout dans toute la France, je rappelle aussi que les images sont dispo sur l'appli, sur skyrock.fm, si vous voulez voir un petit peu l'ambiance du 118, vous n'allez pas être déçus en allant cliquer. Donc il y aura du live avec Kaina tout à l'heure. Ouais, Kaina va nous interpréter un cadeau. Franchement, c'est un honneur. Hein. Elle va venir faire un morceau de son album, franchement, en live. Donc je serai fan avec vous. On sera tous ensemble, on va l'écouter. Donc motivez-la, s'il vous plaît, si vous êtes là. Ah, ils sont chauds. Hein. C'est pas mal, ça commence à venir. Mercredi. C'est pas mal. C'est pas mal le mercredi. Bon, bienvenue à vous tous, ça monte. Et on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ok. Le petit replay de l'émission, c'est maintenant. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Bienvenue à vous tous. Ça va bien? Ouais. Est-ce que d'entrée de jeu, vous voulez du live avec Soprano? Ouais. Mesdames, messieurs, voici Soprano ici en live. Où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges, les gris? Loin des amalgames politiques, bienvenue en cosmopolitan, et on y va. Montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Ah, montre-toi comme tu es, ce soir, pas de tenue exigée. Bon, ça va, Sopra? Ils sont chauds. Ils sont bien, hein? Ah ouais. Ils sont bien. C'est bien, je trouve, de prendre la température avec Cosmo d'entrée de jeu, en fait. Hein. C'était pas prévu, mais je crois qu'on va faire ça tous les soirs. Hein, ah, c'est bien. Hein. Je crois que ceux d'hier soir, ils doivent flipper grave, parce que ce soir, je crois que l'ambiance, elle est... Et ceux de demain, ils ont la pression. Hein. Ceux de demain, ils ont la pression. Planet Rap. J'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu vas sortir? Attention. Ah non. Un petit cadeau. Alors, je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio. Pour l'instant, c'est enveloppé. Hein. Ça va. C'était un cadeau. On en parlait dans le replay. Je tenais à préciser, c'est le vrai club d'Ibrahimovic. C'est le maillot d'Ibra sous ses couleurs en Suède. Floqué Ibra. Ça lui va bien. Qui a des questions alors à poser à Sopra ici? Je me rends un peu dans le public avant de passer le morceau clown. Rabat ta question. Je voulais te demander, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter le rap? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait reprendre? Ben, franchement, c'est vrai qu'il y a des moments où, en plus, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui a beaucoup de... Bon, pour ceux qui ont lu mon livre, ils ont dû capter, ils ont dû comprendre beaucoup de mes chansons. Mais en fait, chaque fois, je me dis que j'aime trop la musique, en fait. Donc chaque fois je reviens avec la musique. Après je fais de la musique par rapport à mon humeur. Si aujourd'hui je suis humeur Drake, je vais te faire que des chansons Drake. Si je suis humeur à faire de la musique africaine, je vais te faire de la musique africaine. Je suis vraiment du jour au jour, au jour le jour. Maintenant je me dis que je vais toujours continuer à faire de la musique, même plus tard, même si c'est autre chose. Je sais pas si c'est écrire des chansons pour les gens ou pas, mais j'aime trop ça. Et bien maintenant je pense que aussi tout le monde va se lever, tout le monde va kiffer, puisque c'est l'heure du live avec toi Sopra. Ah. Est-ce que vous voulez avoir du live de Sopra? Est-ce que vous attendez du live de Sopra? Yes, on rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, on danse quoi? On danse quoi? On danse quoi? On danse comment? De qui? Jeffrey. C'est tout? Jeffrey. Ah ouais, Jeffrey. Voilà pour ce replay, c'était hier soir dans l'émission. Ce soir je pense que ça peut être encore plus chaud avec le public ici au 118. Avec Soprano, Soprano et l'album Cosmopolitanie. D'ailleurs on a fini sur Fresh Prince que t'as fait en live hier. Il y a le clip qui arrive, moi j'ai vu le clip, c'est un régal hein. Ouais il est bien. On va rien dire mais c'est un régal le clip. Ouais. Vendredi. Ça arrive vendredi. Vendredi. Les images débarquent, vous pourrez mater aussi sur skyrock.fm pour découvrir le clip de Sopra. Kaina est là avec nous ce soir, elle fera un live dans quelques minutes. The Queen. Je suis là. The Queen, Kaina. The Queen, you know. Non quand même c'est... Non moi j'ai le droit de le dire, toi tu... t'es hors concours. En tout cas je suis contente d'être là, en plus en public tu vois ça change, en effet... pas mal de planètes rap avec toi, Fred, ouais. Et là, c'est vrai que ça, voilà, c'est des petites vacances, tout le monde se voit, je vois tous les régisseurs, toute l'équipe de l'émission qui est là, donc ça fait super plaisir, l'album qui arrive. Tu as raté un truc. Ah bon? L'Angie, tellement il était content de sortir de sa grotte, il a dansé. Il a fait mais le strip. On en a parlé, mais c'est. Mais il paraît que des images dansent comme info. Il paraît que des images circulent sur le net, je sais pas. Moi, j'ai tout donné, hein. Moi je sais pas, mais en tout cas c'est... faut pas que les enfants ils voient ça en tout cas. Danse à la Carlton, peut-être que je redanserai en fin de semaine. Ah bon. Travailler un peu sur la chorégraphie, j'ai amélioré 2-3 trucs. Tu rigoles, boss. Hier soir tard dans la nuit j'ai amélioré 2-3 trucs. Ouais, tu rigoles, mais le vrai Carlton aux États-Unis il est en train de faire Danse avec les Stars là, aux États-Unis à l'heure qu'on parle, tu vois. Et juste hier, je crois, il a fait, il a fait la danse directement, sa danse à lui. D'accord. Ouais, okay. C'était rigolo. Tout le monde m'envoyait des tweets, des Instagram, ouais, ouais. Avec la danse à la Carlton, la fameuse danse à la Carlton. Donc allez surveiller les réseaux sociaux. Sopra, oui. Aujourd'hui est arrivé pour ceux qui ont précommandé l'album. On peut toujours aller cliquer. Ouais. Il y a des titres qui arrivent chaque jour. Aujourd'hui est arrivé un morceau que l'on va mettre maintenant. Est-ce que vous avez écouté Tiamo? Oui. Est-ce qu'il est validé? Il y en a qui n'ont pas encore écouté Tiamo, qui vont découvrir. Tu veux nous dire un mot sur ce morceau? Ben, c'est un morceau flow à la Drake, comme j'aime bien dire. Ouais. Ouais. C'est un morceau qui raconte l'histoire de deux personnes. C'est vrai, j'ai voulu changer un peu de thème. Là, j'ai voulu. Aujourd'hui, c'est vraiment la soirée femmes, ladies, love à la Drake, tu vois. Donc, désolé, messieurs, la porte est là-bas. Voilà. Non, tu crois qu'ils ont pas de cœur ou quoi? Mais je sais pas si c'est une soirée nana. Non, on reste dans l'état d'esprit. Mais on, attention. On reste entre nana. Attention, Tiamo et la chanson. Attends. Tiamo et la chanson que ma femme déteste. Non, mais je te le dis, elle aime la forme, il n'y a pas de problème. Le fond, elle me dit, mais attends, c'est dangereux ce que tu dis. Donc, pour les gens qui vont écouter ce morceau, c'est vraiment pour expliquer que la vie de couple, comme je dis, ne se résume pas qu'à I love you, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est Tiamo. Bon, vous allez découvrir vos réactions juste après. Les réactions aussi avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Vous êtes nombreux à nous écouter partout dans toute la France, à mater les images aussi. Et on balance ce morceau qui est dispo dès maintenant. Hein. Quand on précommande l'album, on a le morceau. Ouais, en plus, on m'a dit les numéros 1 tout à l'heure. Putain, c'est truc de fou. Après Clown? Ouais, c'est truc de fou. Franchement, le public qui l'assure. Le numéro 1, il est là sur Skyrock tous les soirs entre 20 et 21. Merci, c'est beaucoup. Soprano. Et voici le titre, Tiamo, tout de suite. Mais ce jour enfin. Ti amo. Ti amo. Elle était à Venise pour des vacances. 1m70, aucun enfant. célibataire, jeune cadre, oui, elle, 52 kilos, 26 ans. Passionnée de romance, elle attend que le destin lui fasse un petit signe, que la chance lui sourit enfin, oui, à elle, qui a trop eu son cœur aux urgences. Mais une péniche arrive à contre-sens, deux regards se croisent par inadvertance. Elle tombe sous le charme et puis elle brise ce silence. Et ciao, vengo, dit France, allons prendre un verre, faisons connaissance. Ils finissent au Pullman, puis elle lui chante à l'oreille tendrement. À Venise pour les affaires, 1m80 blond aux yeux verts, marié, deux enfants, oui, il 70 kilos au fonctionnaire, passionné de musée, il repense à sa vie de famille, à sa femme, oui, il se dit qu'il a de la chance, la routine n'a pas rouillé son alliance. Mais une péniche arrive à contre-sens, deux regards se croisent par inadvertance, et d'un coup c'est le coup de foudre, oui, son cœur devient fou. Elle propose de boire un verre, il veut refuser mais son cœur fait le contraire. Il finit au Pullman puis il lui chante à l'oreille lui aussi. Entre le ciel et la terre, dans l'indécision. Est-ce que l'on se reverra? Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec ce morceau Tiamo, ça vous a plu? Ah bon? Merci. Morceau, bah voilà, encore une autre facette aussi sur l'album. C'est vrai qu'il y a des morceaux différents sur cet album. C'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès parce que c'est le concept de l'album justement. C'est vraiment. J'aurais pu faire que des morceaux comme. Comme préface tout l'album. On aurait pu faire des morceaux comme clown tout l'album, mais non, l'important c'était. Le concept de l'album c'est Cosmopolitanie, donc plusieurs styles de morceaux. Voilà, c'est un peu le thème. A priori, ça vous a plu, il est dispo hein, le morceau. On peut l'avoir tout de suite quand on précommande l'album. Il est dispo et je voulais faire une dédicace au producteur de cet instru parce que je l'aime beaucoup. Et en plus, il est dans la salle. Donc, monsieur Jorafa, c'est un petit surdoué. Je lui fais une grosse dédicace. Il est dans la salle. Voilà. Et ouais, voilà. Je me disais, quelle est cette grosse voix derrière moi? C'est celle de ton frangin, c'est Zach. Ouais, c'est Zach. Ouais. Tiens, Zach, viens prendre ma place. Il faut que je descende, moi, voir le public un petit peu. Que tu me. Le viens king du tme. Viens prendre ma place. Vas-y, va bosser, Frédérico. Qui a envie de poser des questions à Sopra? Ah, bah, directement, tu connais ces jeunes filles qui sont belges? Non, les Belges, ils sont toujours là. Je vois le drapeau de la Belgique qui est là. Ça va bien, mesdemoiselles? Des fidèles. Donc, vous venez d'où? Moi, je suis de Charleroi. Charleroi, et toi, t'es de Paris? de Bruxelles, donc ouais, en fait c'est plus simple en Belgique. C'est un peu plus simple. Bon, qui pose la question alors? Elle a posé la question. Donc c'est Bruxelles qui pose la question face à Charleroi. Ah. Alors on t'écoute. Donc, en fait, on se demandait pourquoi il n'y a pas de featuring qu'avec Psychiatre sur l'album. Alors, le truc, c'est que Psychiatre, ils sont dans l'album, bien sûr, ils sont sur l'album avec Fresh Prince, en fait. Ça veut dire, Vincenzo, il est sur le... C'est lui, Oncle Phil. Le gigote, c'est lui. Le gigoteur. Et l'interlude qu'il y a avant le Fresh Prince, c'est Alonso, en fait, qui amène le morceau. À la base, on devait faire un morceau, moi et Alonso... Alonso et moi, on devait faire un morceau qui s'appelait Dos à dos. On n'a pas pu le terminer parce que lui, il est à la course pour terminer son disque aussi. Mais on est en studio tous les jours ensemble, tous ensemble. On a tellement fait des trucs qu'on s'est dit, bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, le morceau, il y est pour le prochain et peut-être l'autre. On a encore plein de trucs. Ça vous convient, les filles? C'est bon? Est-ce qu'on peut applaudir la Belgique quand même qui s'est déplacée, qui est venue jusqu'ici? C'est bon, c'est bon. Avec le drapeau, tu as vu, hein, Cosmopolitanie, ouais. Belge, hein. Non, franchement, eux, ils assurent, mais ça fait longtemps, ils assurent, hein. Tu vois, il y en a un, il est dans le côté, là. Tu vois, là, lui, là, Malik, là. Lui-même. Lui, Malik. Celui-là. Lui, tu peux être n'importe où, il te trouvera. Voilà, c'est lui. Lui, il est trop fort. Lui, alors, applaudissements pour Malik, s'il vous plaît. Voilà, il assure. Donc, merci, un grand merci à eux. Deuxième question, par contre, Zach, t'es censé quand même combler pendant que je me déplace. Non, non. Deuxième question, qui voudrait la poser? Alors, la deuxième question, elle est. Ouais. Frédérico, voilà, il y a quelqu'un qui s'est levé, voilà. Là, si tu veux. Voilà. C'est Colline, c'est bien ça, hein? Ça va bien? Ça va. Tiens, regarde Sopra et pose-lui ta question. Pourquoi avoir choisi Cosmopolitanie comme titre d'album? Alors, en fait, c'est un mot que j'ai inventé à l'époque de Alabien. Je sais pas si. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais fait une interview et bon, j'essayais d'expliquer Marseille. Je disais, ouais, comment s'appelle Marseille? C'est un peu un pays cosmopolite et j'ai sorti le mot Cosmopolitanie. C'est un peu ma philosophie de vie. J'ai toujours dit que moi, je suis pour le partage, pour qu'on puisse. Le mélange. Toujours, la mixité. Avec plein d'influences musicales différentes aussi. Voilà, parce que c'est ça aussi un peu la mixité. Ça se sent dans la musique, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. Et c'est le concept de cet album-là. Chaque album, il a un concept. Celui-là, c'est celui-là. Ça te convient, Colline? Sinon, t'es remboursé pareil, non? Tout va bien? C'est bon, ok, parfait. Yes. Okay. Zach, donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Là, regarde, là, voilà, c'est bien ça. Ça va bien, c'est comment ton prénom? C'est bon, ça. Anissa, applaudissements pour Anissa. Enchanté, quand même. Anissa. Qui a mis une magnifique tenue, hein, je dis ça pour ceux qui nous écoutent à la radio. Très jolie, Anissa. Beaucoup, beaucoup de classe. Ici, yeah. dans le public de Frédérico, on reste professionnel. D'accord, pardon. Voilà, merci Frédérico. Non, mais là, tu t'égares, Frédérico. Je vais aller remettre des glaçons dans un instant. Question? Je voulais demander, dans Parle-moi, tu chantes d'une. Qu'est-ce qui se passe, Anissa? Ça va? Tu veux t'asseoir? Ouais, non, il faut se rasseoir là. Dis-moi. Tu chantes un événement qui a marqué ta vie et j'aimerais savoir pourquoi tu n'en parles pas dans ton livre, en fait. Parce que j'en ai fait un morceau et tout est dit. Et c'est tout. Tout est dit dans la chanson. C'est déjà compliqué quand je l'ai fait, quand je le chante. Je la chante même pas, je l'écoute même pas. C'est très, très, très dur. C'est quelque chose de très difficile pour moi. J'ai avancé, on avance. C'est justement le concept de cet album, c'est mélancolique anonyme, du livre. C'était mélancolique anonyme. C'est que j'avance, j'essaye de soigner ça. Et voilà, c'est entre moi et mon cœur et ma tête. Voilà. Voilà, c'est pour ça. C'est bien peut-être aussi, voilà, de séparer un moment, voilà, de trop. Voilà, c'est bien ça. De voilà. Trop accentuer sur la vie privée, voilà. T'en parles dans un morceau, c'est peut-être bien de se détacher aussi de ça. Ouais, c'est parce que c'est surtout une histoire douloureuse, difficile, compliquée. Donc c'est voilà, le livre, je le voulais positif. Voilà, même si c'est une des raisons pourquoi justement il y a eu des périodes de ma vie quand, pour ceux qui ont lu mon livre, qui étaient un peu mélancolique, dépressif, tous ces trucs-là, que c'est du passé, attention. Hein. Mais voilà, c'était. C'est fini, c'est il est plein de dépression. Voilà, il va bien. Voilà, maintenant on est en mode Fresh Prince. Voilà, c'est terminé. Merci. Voilà, on s'amuse. Merci Anissa. Anissa, qui, je précise, vous l'avez reconnu à l'accent, nous vient de Belgique aussi. Décidément. Ah, la Belgique ce soir est. Je crois qu'on est au rendez-vous, j'ai envie de dire, Frédérico. Hop, allez. Tu as vu ce petit pas? Oh, on, va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Sopra? Tiens, en mode Philippe Risoli, pour ceux qui connaissent. Ah, bah, pour ceux qui connaissent. Il faut faire le truc avec le micro aussi, pareil. Hein. Le jeté de micro, là. Le jeté de micro? Ouais. Tu veux que je fasse un jeté de micro? Ouais, pourquoi pas. Non, tout à l'heure. On va essayer de déborgner personne pour l'instant. Est-ce que ça va toujours ici au 118? Ouais. Par contre, il a triché. Hein. Il est parti voir qu'un seul côté. Eux, ici, eux, ils sont chauds. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ce côté-là, vous êtes trop mou. Pourtant, non, lui, toi, avec le maillot du PSG, t'es très bien. Non. Voilà. C'était obligé. Hein. Yeah, mais c'était obligé. Non, mais lui, il est là depuis tous les premiers jours. Lui, il n'y a pas de blême. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rébellion dans la salle? Je répète le concept de mon album, Cosmopolitanie. Ouais, c'est ça, c'est pas Bordello Politanie. Voilà. On vient dans un instant. Allez, vas-y. Sopra, Kaina, tu vas nous enchanter la salle dans quelques minutes. Voilà. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Yeah. Très bonne idée, très bonne idée. Un live avec Kaina, son album est aussi dans les bacs. Celui de Sopra sort lundi. Ne bougez pas, on revient dans quelques minutes. Ah, il y aura aussi un freestyle qui va être donné ici, hein, puisqu'on a commencé depuis hier soir. C'est Yanis qui va venir poser et repartir avec le jeu qui est sorti aujourd'hui. L'excellent jeu Drive Club, jeu de bagnole, hein, course de bagnole, et qui est sorti aujourd'hui. On lui filera à Yanis, F2L. Vous aussi, si vous rappez dans l'émission, dans quelques minutes, ne loupez pas le freestyle, ne loupez pas Kaina et surtout le retour de Sopra. On peut faire du bruit, s'il vous plaît, pour cette grosse soirée, ce gros live. Tous les soirs entre 20 et 21, et on revient juste après ça. Yep. You're listening to Skyrock. Comme toi, Soprano a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Soprano toute la semaine, entre 20 et 21, ici en direct du 118, ça va toujours? Oh, ils se sont rendormis un peu quand même, hein? Bah ouais, il y a eu un peu de pub, tout ça, c'est normal. Là. Attends, juste je montre. Je suis sur Instagram, je suis en train de marquer, bon, mercredi en direct du Planet Rap. C'est vraiment, vraiment chaud. Mais là, je vais enlever un vraiment quand même. Parce que là. Tu peux, non, ça tu, va, je le rajoute. Tu peux même enlever un chaud, hein. Non, Non, ils sont je sens que ça va se réchauffer dans, en tout cas dans quelques minutes avec le live de Kaina à pas louper sur Skyrock. D'ailleurs, on peut dire un mot aussi sur votre morceau qui est sur l'album Cosmopolitanie à tous les deux. Ouais, c'est un morceau, mais on veut le laisser que les gens le découvrent dans, dans l'album. Mmh. C'est un morceau qui s'appelle Monsieur et Madame Smith. On a bien rigolé quand on l'a fait parce que c'est le dernier morceau qu'on a fait. Ouais. C'était pas dans le Ramadan, on était KO. Je crois qu'on devait, je devais partir à New York le... Ouais, non, mais c'était n'importe quoi. Mais dans tout ce n'importe quoi, on a fait un morceau vraiment cool. Ouais. Donc c'était rigolo encore une fois de se retrouver, mais différemment. Donc c'est ça qui était intéressant aussi. Voilà, sur le ton de l'humour. Voilà. Après, elle apparaît aussi dans l'album sur un autre morceau. Mais bon, ça, les gens. Ah ouais, c'est vrai. L'entendront. En plus, c'est un de mes morceaux préférés. Donc, donc gens... tu veux rien dire? Non, ça, les gens, ils l'entendront dans l'album. Il faudra qu'ils l'écoutent, ils le découvriront. D'accord. Donc, en tout cas, il y a deux apparitions sur cet album. Voilà. Une officielle, une officieuse. Voilà. On va dire Ghost. Une soum-soum. Ouais, une soum-soum. Soum-soum, voilà. Une soum-soum. Et sinon, eh ben, moi, j'ai sorti mon album lundi. Hein. Je sais, lundi. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Franchement, j'ai reçu un superbe accueil. Donc, je remercie tous les gens qui m'envoient leurs messages, que je croise, qui m'encouragent. Franchement, un grand merci à la team. Et voilà, ça fait super plaisir. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la team Kaina qui est là aussi. Il y en a qui sont venus. Hein. Ah, sur c'est internet, cool, son beaucoup. Équipe, ils sont chauds. Et t'as des dates aussi, non? T'as pas des dates, Kaina? Ouais. Tu te balades pas un peu aussi? Ouais, je me balade un peu dans la France. Donc n'hésitez pas, si je passe pas loin de chez vous, venez chanter avec moi et venez me voir. Donc je serai le 11 octobre à Nice, chez moi. Donc je suis super content. À la maison. Voilà. À domicile. Le 18 octobre, je serai à Mulhouse. Le 25 à Lyon. Le 30 à Paris. Ah, il y a des Lyonnaises. Le 31 sera à Villiers-le-Bel dans le 95, le 1er novembre à Annemasse, le 8 novembre à Villiers-sur-Mer, le 14 à Clermont-Ferrand, le 15 à Bourg-en-Bresse et le 5 décembre, je serai à la Maroquinerie à Paris. Donc les places sont déjà dispo, voilà, pour mon premier concert parisien, on va dire. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont là ce soir, à venir le 5 décembre à la Maroquinerie, voilà. Sinon un peu partout, parce qu'on a entendu, il y a des gens de Lyon qui sont là, des Belges. Ouais, carrément, non, moi, c'est la Cosmopolitanie, c'est tous les soirs entre 20 et 21. Voilà. Mais en parlant de tournée, oui, toi, il y a aussi une grosse tournée, toi, j'ai les dates là. Juste avant que tu donnes les dates, Kaina, elle est avec moi en tournée en fait. Elle va venir. Ouais. Elle vient avec nous dans toute la tournée. Donc dès qu'elle a fini toutes ces dates là, elle monte dans le car, on l'embarque. On la kidnappe. Voilà. Donc, dès le 14, alors Kaina, pour te dire où tu seras le 14 novembre à Rouen. D'accord. Ensuite le 15 à Rennes, le 20 novembre à Caen, le 21 au Mans, le 22 novembre à Beauvais, le 26 à Clermont-Ferrand, le 28 à Angers, le 29 à Brest. Après j'ai pas tout filé parce qu'il y en a tellement. Ouais, il y en a beaucoup. Les dates, il y a Abbeville, Toulouse, Dijon, Metz, Lille, Dunkerque, il y aura un Zénith de Paris aussi. Le 20 mars. Le 20 mars. Est-ce qu'il y aura un dôme de Marseille? Ah oui, il y aura un dôme de Marseille. Attends, il y a un dôme de Marseille le 3 avril. Wouh! Ça sera en 2015, ouais. Voilà. C'est une grosse tournée qui va aller très loin. Et nos amis de Belgique, on est en Forêt Nationale le 30 mars. 30 avril. Elles savent mieux les dates que toi. Mieux, ouais. Donc 30 avril à Bruxelles aussi pour tous les Belges qui nous ont rejoints et qui sont là ce soir entre 20 et 21 dans l'émission. Yes. Est-ce qu'on mettrait pas un morceau maintenant? Ah ben, c'est le morceau préféré de Kaina. De mon frère, ouais, de Kaina aussi, ouais. et de mon frère Alonso. Donc on va, c'est un peu le morceau un peu trap de l'album, un peu le morceau un peu rock de l'album. Je t'ai dit, chaque morceau a un style différent. Il s'appelle Kalash in Roses. Franchement, c'est... Vous connaissez ce morceau? Non, ils connaissent pas. Je crois qu'il y en a, ils ont vu un teaser. Non, ils connaissent pas. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, quand je l'ai écouté, franchement, après, je pouvais plus rien écouter. Je suis resté bloqué une heure au studio, comme ça. Non, mais attends. Remets-le. T'es sûr de ce que tu dis là? La journée studio, remets-le. T'es resté bloqué une heure après. Vraiment, ce morceau, il m'a vraiment... bouleversé, quoi. Merci. Vraiment. C'est un morceau que je voulais faire. Qui part d'où l'histoire de Kalash and Roses? En fait, ça part du groupe de rock Guns and Roses. Ouais. Et je me suis dit, putain, non, chez nous, c'est Kalash and Roses. Au début, je rigolais par rapport au jeu de mots, mais après, c'était pas trop rigolo, ouais. Tu vois. C'était un morceau, j'ai pensé à toutes les daronnes qui pleurent leurs enfants, voilà, hein. qui sont pour moi les premières victimes de tous les malheureux faits divers qu'il y a chez nous à Marseille. Donc c'est une chanson qui parle de ça. C'est un peu le morceau rap trap de l'album, le morceau rock de l'album, voilà. Et bah écoutez, vous allez aussi réagir juste après, nous dire ce que vous pensez de ce morceau. Et envoyez aussi, hein, ceux qui nous écoutent un peu partout dans toute la France avec le hashtag. Merci pour les messages, hein, il y a Soprano beaucoup de messages. Sur Skyrock, ça merci, n'arrête pas. Merci, hein. Merci beaucoup. Continuez et dites-nous ce que vous pensez de ce morceau. Kalash and Roses, maintenant, extrait de l'album de Sopra qui sort lundi dans les bacs. Medellin, Cyril. C'est aujourd'hui en rentrant dans ta chambre que j'ai compris que t'étais vraiment plus là. Tu sais, j'ai toujours cru que j'allais enterrer mes parents, mais jamais mon enfant. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Encore une étoile qui vient de s'éteindre. La nuit devient de plus en plus sombre. Comment consoler cette mère? Qui sait ce soir ce qu'est la fin du monde? On enterre ses parents mais pas ses enfants. C'est ce qu'elle m'a dit en pleurant dans mes bras. Ici c'est la Saint-Valentin. Les calaches ont encore offert des roses. Au pied du tombe, une rose arrosée dans les larmes d'une mère victime d'un cœur dévalisé. S.O.S. Combien de fils faut-il encore perdre pour qu'ils répondent enfin à l'appel? Faut-il que ça parte en guerre civile ou bien pire en génocide? Ici les armes ne sont pas factices et nos petits anges se diabolisent. Le paradis est sous ses pieds, pourtant on lui fait vivre l'enfer. Encore un fils qu'on enterre, entend les cris d'une mère en détresse. Yeah. Ils ont tué mon bébé là. Ici quand les calaches parlent, c'est pour nous offrir des roses. Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses. Encore une bougie qui vient de s'éteindre. Un an déjà que tu n'es plus de ce monde. Comment consoler cette mère qui élève seule son môme? On enterre son père mais pas son mari. C'est ce qu'elle m'a dit en pleurant dans mes bras. Ici c'est la Saint-Valentin. Les calaches ont encore offert des roses. Papa, où t'es ton quartier, c'est ceux qui pleurent alcoolisés dans un bar du quartier. Ils se promettent d'aller tous les shooter. Ici la vengeance est un boomerang et les armes à feu la seule langue pour répondre à cette violence que le système ne peut plus masquer. Des billets dans la poche d'une balance, ils démarrent en deux roues casquées. Une voiture à l'arrêt, une détente qui se presse. Encore un fils qu'on enterre, entend une autre mère en détresse. Yeah! Ils ont tué mon bébé love. Ici quand l'état lâche parle, c'est pour nous offrir des roses. Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses, c'est pour nous offrir des roses. Kalash and roses, Kalash and roses, Kalash and roses. Posons les armes, oui oui, posons les armes. Posons les Voilà ce morceau à l'instant. Merci. Je comprends, après c'est un moment d'émotion aussi hein, ce morceau. C'est un morceau qui n'est ouais, pas forcément moi, simple. Si moi tu veux. Forcément ça me parle. Et voilà, il y a énormément d'émotions. Il monte là-haut. Tu vois, moi ça me. C'est un putain de chanteur aussi. Voilà. Oh, merci. Oh, venu de toi, waouh. Wow. Ouais, non, mais vraiment, c'est un morceau qui m'a beaucoup touché et qui me touche encore et que je peux écouter vraiment en boucle toute la journée sans problème. Ah, merci quand même. Voilà. Kalash and Roses, qu'on retrouve sur l'album de Sopra qui sera en vente dès lundi. Yes. Et en précommande. Merci. Et je crois que ça a touché ici, puisque nous sommes en direct du 118 toujours. Donc une grosse dédicace à nos disparus, à tout le monde. Mmh. Je voulais faire une dédicace, même si ça n'a aucun rapport, mais quand même à Monsieur So, S.O. Bidbounce, on pense à toi mon frère. T'inquiète pas, pour ton frangin, on pense à toi. Yes. Le message est passé et je vous présente, il s'est installé à côté de moi, vous avez vu, c'est un garçon qui s'appelle Yanis, F2L. Salut Yanis. Ça va ou quoi Yanis? Oh, ça va quoi? C'est toi qui va. Est-ce que tu es prêt à nous ambiancer cette salle en une trente? Vous êtes chaud ou quoi? Alors d'habitude, vous savez, si vous écoutez l'émission, il y a le freestyle par téléphone. Et là, comme on a tout délocalisé, on a aussi emmené les freestylers ici dans le studio. Là, tout est réel, tout est palpable. Ouais. On peut voilà. Donc Yanis, toi, rappelle-nous, tu viens d'où? Sartrouville. Sartrouville. Est-ce qu'il y a des gens de Sartrouville aussi qui sont là dans le coin? Ouais, à part là-bas, tes potes, ils sont là. Il y a les potos qui sont là. Ouais. Et pour tous les autres, écoute, je te file 7 autres micros. C'est à toi maintenant d'ambiancer ici la salle du 118 en 1:30 pour le freestyle, non pas par téléphone, mais le freestyle sur scène. Yanis, je te laisse aller accueillir. Faites du bruit pour Yanis. Ok. Vous êtes chaud ou quoi ce soir? Ok. Chef de zèle. Brah. Oh. Ok. Faire de l'ombre. Y, 2, L. Ok. 1, 1. Ok, j'arrive en panique, gros, j'suis déclassé. Dans Renault, fils de pute m'a classé. T'es jeune, t'es riche, t'es effacé. J'vais tellement vite que tu me vois pas passer. Regarde mon mal, j'te baisse ta mère. Aussi simple à dire qu'à faire. Tout le monde te l'a mis, salope, encore tu dis. Fais pas la halal si t'as les salaires. On est que deux depuis le début. T'as vu le putain de flow que j'ai des bites. Pendant chez moi, le zay, fous la flow. Chez toi, il pleut des bites. Ok, nique sa mère, j'ai pas mon flow de rigide. Tu fais blindé, tu ne les pas. Vois, on te casse en deux, même si t'es rigide. Et tout le monde pas de bouche, toi qu'arrête de les bas. Et si pour un fut, tu te prostitues. Pendant que dans la j'ai la prose qui tue. Bientôt la fin du game, qui tue. Ça suffit pas à être connu. Qui tue, sombre gentiment dans la quiétude. Moi j'ai trouvé ta place. Tu seras le dernier, des derniers, des derniers. Des fils de pute de rapace. Bref. Ok, fais du bruit pour vous. Et faites du bruit pour Yanis à l'instant, freestyle. Parce que c'est pas simple, tu te souviens les premières scènes ou pas que tu faisais? Yanis, c'est la première fois que tu montes sur scène ou t'as déjà fait des... T'as fait quelques scènes? Ouais, quelques scènes. Bon, cool. Et ben voilà, en tout cas, du bruit pour Yanis qui nous venait de se retrouver là à l'instant. Merci. Et on peut te suivre sur le net, rappel où on peut te joindre. Ouais, Twitter YanisF2L, la page officielle c'est YanisF2L aussi, Insta pareil. Il y a de gros morceaux qui vont sortir. Yes. Il y a un très très très gros featuring qui va avoir le jour très très bientôt, j'en dis pas plus. Yes. On va se reconnecter, on verra ça. Il connaît déjà. Et bah, merci à toi. Ils sont là, on leur fait une dédicace là, ils sont tous là. Aucan. Voilà. Tom et Alexis. Yes. Et bah merci à vous. Non mais c'est vrai que je te demandais les premières scènes, tu te souviens aussi, c'était compliqué à gérer maintenant. Kaina pareil. Oh là là, moi je m'en foutais moi. Moi dès qu'il y avait un micro, il fallait que je l'attrape. Hein. Moi je t'explique, c'était ça. On allait, il y avait la FF, il faisait des concerts. Je montais en traite, je savais que Laura il allait faire tourner le micro. Mmh. Je me mettais à côté derrière de Laura Luciano. Et hop là. Je prenais le micro et je rappais pendant 3 jours. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, je comprends, hein. Tu as envie de tout donner et c'est ça. Et bah voilà, bah bravo une fois de plus. Merci à Yanis. Bravo. Yes. On va continuer. J'ai les infos qui arrivent dans l'oreillette en temps réel. On me dit qu'il reste quelques places pour demain et après-demain. On en a libéré à peu près 10 chaque soir. Pour que vous puissiez aussi venir si vous écoutez l'émission et d'un seul coup vous dites mais j'y serais bien, je serais bien ici au 118. Bah ouais. Et bah c'est simple, vous envoyez à l'adresse planetrap@skyrock.com, planetrap@skyrock.com, et laissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on vous joigne rapidement si vous voulez nous rejoindre ici et rejoindre la chaleur du studio 118 où se déroule cette émission avec Sopra. Sopra. Oui. Je crois qu'il est l'heure du live maintenant. Donc je te laisse. Je te laisse. Merci. Présenter celle qui va se produire sur scène, que tu connais tellement bien, qui est sur ton album. Alors, je fais place à la Queen, Miss Kaina Samed. Je veux un gros bordel pour elle. Son album est dans les bacs. Voilà, il est dans les bacs. Elle va nous faire un extrait de son album. J'espère que vous allez apprécier. Mais je veux voir tout le monde lever, s'il vous plaît. Tout le monde se lève. Miss Kaina Samed. Vous êtes là. qu'ils sont chauds là. Tu crois qu'ils... Mais est-ce que vous êtes encore là? Je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est le seul bordel que vous pouvez donner pour Kaina ou pas? Alors attends, j'ai envie de tenter un truc. Vas-y. DJ Mesh, tu as une petite note s'il te plaît, on se fait un petit truc? Tu sais pas? Ok. Je veux vous entendre chanter, tout le monde. C'est un cadeau de Miss Kaina. On y va. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Pour moi je veux voir les visages briller. Et voir mes photos qui fait l'odeur de la dinguerie. On est tous là pour kiffer. Je veux se déconnecter. Je vais laisser tous mes problèmes de côté. Je veux se déconnecter. Je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Diggy. M'appelle pas, je suis pas là. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la. Je suis à planète rap, je suis avec Sopra. Bah ouais, je me balade, c'est là. Oh, c'est un remix sur le son de Kaina. Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment là? Sopra Baba, toujours en train d'improviser. Donner un peu de force à tous les mecs aiguisés. Le flow est stylé. Trop de mecs essayent de venir m'épiler. Mais j'ai pas trop de cheveux dans la tête. Oh. Je sais pas ce que je dis, mais t'inquiète pas, je me la pète pas. On est là pour représenter ici. Trop de mecs ici comprennent qu'on est à 118, c'est ça? C'est pas grave, on s'amuse, c'est du live, Sopra Baba. Je veux se déconnecter. Ok. Ok. Ok. Ok. C'est ça. Camion de serre. Ne m'appelle pas. Je suis pas là. La la la la la la. Je désactive mes comptes. Je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas. Je suis pas là. La la la la la la. Je désactive mes comptes. Je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Le téléphone fait que sonner. Désolé. Pas là. Non, non. Écho à mon coup, tu vas parler. Oui. Pour que ma tête est malade. Oh. Hé, hey, on s'en fait. Pour que je me barre au soleil. Je tire d'ici. Je vais quitter. Je suis pas là. La la la la la la la. Je sacrifie mes comptes. Je suis avec mes gars. Je suis sous avec son bras. Ok. Ne m'appelle pas. Je suis pas là. Ouais, c'était pas prévu, mais obligé. C'est le tube de l'été, obligé qu'on profite à tout, on fait profiter. Écoute, tout ça monde, fait plaisir, hein, même s'il pleut, on se donne un peu de chaleur, de soleil entre nous. Franchement, un maximum de bruit pour vous. Le 118, vous êtes au max. Mortel, merci. Je suis pas là, la la la la la la la. Je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes. Fredo, je t'ai vu, hein. Non, pourquoi non, tout le monde se rassoit quand d'un seul coup je dès me lance que tu commences à chanter, c'est mort. C'est mort. Pourquoi? Ça vous a pas plu? Si. Je t'ai vu, de toute façon, depuis qu'on pas, le morceau est là, Fred, il sent ambiance. Ah, ouais, c'est cool. Je suis avec Biggie, je suis avec Tupac, je suis avec tout le monde. Merci. Avec tout le monde. Merci, faites du bruit encore pour Kaina qui était avec merci nous ce beaucoup soir dans l'émission. Merci. Soprano qui est l'invité tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Voilà. Kaina. Ouais, je voulais faire quelque chose de très très important, faire une grosse dédicace à mon frère Kalou, à Salim Chetan, à Imed, à Luis. Et voilà, lui dire que je l'aime, que je suis là et que voilà, c'était super important. Voilà, je t'aime mon frérot de tout mon cœur. Voilà. Et on pense à lui. On pense à lui. Ouais, on pense à lui. À salut, tous Mimed. Voilà, Papou, tu le sais. Manu, toute l'équipe. Voilà, on pense à vous. Force à vous. Voilà, une dédicace à mes, comme d'habitude, comme tous les soirs. C'est les stars de ma life. Ouais. Voilà, ils sont là, mes enfants. Ouais, c'est vrai. À Inès. Ils vérifient si je dis pas de gros mots. Oui. C'est vrai. Ah, je te jure, ils me traquent. Il n'y en a pas eu pour l'instant. Non, tout va bien. Des fois, je me manque, mais bon. Bon, c'est déjà la fin de l'émission. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci mille fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on revient demain. Évidemment, on va faire tourner. Est-ce qu'on attend de faire tourner la roulette? Oui, on l'a fait tourner. Et je voulais dire à Yanis, j'ai oublié de lui dire, il y a l'excellent jeu Drive Club qui est sorti aujourd'hui. Le jeu sur les bagnoles, la course de bagnoles, qui est pour lui aussi, évidemment. Un jeu qui sort sur PS4. Et d'ailleurs, on en reparlera aussi vendredi, notamment dans l'émission dans Planète Rap. Allez, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Ok. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Avec Stacy de Ronnie sur scène. Ça va bien, Stacy? Oui, ça va. Et vous? Bah écoute, oui, vous allez bien? Salut. Ouais. Regarde, Stacy, tout le monde est là pour t'accueillir. Tu es prête à faire tourner la roulette? On y va rapidement? Oui. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. La roulette est restée à Paris. Ah ouais. Les rues Greneta. Je dis ça pour Kaina qui dit mais où est la roulette? Bah ouais, c'est vrai. Et on me transmet les infos. Ah. La case Kev Adams, c'est deux places pour toi. Cool. Stacy, tu vas voir Kev Adams. Merci, avec le DVD. Voilà, en exclu qui arrive pour toi à la maison, Stacy. Merci, super. Bisous Stacy, merci à vous tous, merci à vous le 118, bravo. Merci à tout le monde. Finalement, ils ont été bien quand même ce soir. Ils ont été cool. Ils ont été cool. Merci à la Belgique qui est venue en force. Je suis obligé de préciser, on me l'a dit, parce que la semaine prochaine, on fait des séances dédicaces plein de villes. On est à Paris, Montparnasse, lundi 13 octobre, le mardi 14 octobre. À la Flaque de Perpignan, mercredi 15 octobre. Merci à Longchamp, Bordeaux, le Lac. Ouais, parce que. Samedi 18 octobre, on est au Cultura de Cabriès, c'est près de plein de campagne. À 14h, parce qu'il y a deux dates le samedi. C'est ça, il y en a une à 14h et une au Cultura La Valentine à 17h30. Et le mercredi 29 octobre, au Cultura d'Aubagne à partir de 15h. Vous pouvez retrouver Sopra donc pour des dédicaces. Et ben merci à vous tous. Voilà. Merci d'avoir suivi le Planète Rap. Merci Kaina d'être passé. Son album est dans les bacs. L'album de Kaina est dans les bacs. L'album Tug Wife est dans les bacs. Merci à tous ceux qui. Il faut aller le chercher. Il est dans les bacs, mais il n'est pas là pour rester dans les bacs. Elle est là pour aller chez vous. Ah bah il est déjà en téléchargement légal aussi. Et puis rappelez ma date du 5 décembre. Donc ça sera un concert intimiste à la Maroquinerie. Donc avec des amis, des featurings. N'hésitez pas à venir, c'est le 5 décembre. Et les places sont dispo d'ici une quinzaine de jours, je pense. Merci à vous tous, au point demain. Demain on va se mettre en mode La belle ville. Une grosse dédicace à ma psychiatre. Et si y a style, je sais que tu m'entends. T'inquiète pas, j'arrive à la maison jeudi, on va te choper, Habibi. On va retrouver 10 foules maintenant sur Skyrock. Frère, deux secondes, parce que sinon, il y a mes neveux, ils vont me frapper. Alors, je vais faire un gros bisou à Camille et à Ismaïl, qui sont à la Castellane et qui nous écoutent. Et voilà, on fait un gros bisou. Yes. Big up à la Castellane. Wow, Difool est là, il est connecté. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Difool, lui montrer qu'ici il est dans le. Tu as vu comment on vous met à la main dans le studio tous les soirs là. Ouais. Par contre, j'aimerais bien entendre l'ambiance qu'il y a chez vous. C'est quoi l'ambiance chez vous? Attends, ils vont nous mettre des bruitages. Vous êtes pas l'équipe. Mettez-nous le public de Romano quand il fait gigoter. Ah bah là, j'imagine même pas. Vous êtes là le public. Bip bip. Bip bip bip bip. Ça sent le fake. Non, c'est des mythos. Ah oui, tiens, essaye de leur faire ou à ton public. Il y a un clash, j'y arrive ça. Tu veux Oui. Attends, il cherche un peu de temps. Tiens, mytho. Victoire de la rue Greneta. Victoire de la rue Greneta. Il est chaud bouillant le 5 juillet, tu peux rien y faire. Demain, on est de retour avec vous. On vous retrouve demain 20h, 21h. Oui. Difool. Oui. Voilà, je me mêle. Parce que tout à l'heure, Fred, c'est Zach, il m'a dit. C'est le prochain de Sopra. Ouais. Je me mêle parce que Fred, il m'a dit que tu avais des iPhone 6. Donc voilà. Je crois qu'on n'entend plus le 118. Non, c'est Fred. C'est Fred qui m'a dit de te le dire. Voilà. Mets-moi dans la cagade, comme on dit. Voilà. La Skyroulette, j'appelle. Dis-moi quel jour. Voilà. On n'entend plus Soprano, ni Kaina, ni personne. C'est bizarre. On est obligé de les laisser. Eh oui, malheureusement, la liaison a dû couper. On est obligé d'y aller. On les retrouve demain à partir de 20h. Je crois que c'est Romano qui va payer son iPhone 6. Je n'entends plus rien du tout. Merde, Fred, il en a plein sur lui des iPhone 6. Braquez-le, les gars. Allez, on vous retrouve demain à partir de 20h. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Et Radio Libre, c'est parti. En direct. direct jusqu'à minuit dans un instant avec vous tous. Merci, merci. Ciao. À vous tous. Ciao Fredo.